Toyota. Alors, on va vérifier votre vue. Oh, merci, docteur. Regardez mes mains. Combien j'ai de doigts ? 20. Très bien. Regardez-moi en face. Là, combien j'ai d'yeux ? 4. Exactement. Votre vue est absolument parfaite. Ah. Les 23 et 24 novembre, vous allez voir double pendant le Black Friday hybride Toyota. Faites jusqu'à 25% d'économie à l'achat sur la gamme hybride. Et en plus, faites des économies à l'usage sur le carburant et l'entretien. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides en stock identifié. Voir détails sur toyota.fr. Premier temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire sur la restitution des œuvres d'art, mais aussi des restes humains, donc à leur pays d'origine, à l'occasion de la remise vendredi du rapport sur cette question au président de la République. Vendredi sera donc remis par l'historienne de l'art Bénédicte Savoie et l'universitaire et écrivain Félouine Sarr un rapport au président de la République sur les œuvres d'art présentes dans nos musées qui devraient être rendues ou prêtées aux pays africains. Demain, la Grèce et le Parthénon seront au cœur de l'émission puisque nous évoquerons justement la vieille querelle entre la Grande-Bretagne et la Grèce autour des méthodes du Parthénon. Mercredi, la question des restes humains, comme je viens de vous l'expliquer, la question des restes humains qui sont présents eux aussi dans nos musées. Et jeudi, un documentaire d'Anaïs Quin et Séverine Cassard sur les manuscrits qui ont été rendus par le Danemark à l'Islande. Mais tout de suite et maintenant, donc, nous allons évoquer cette question de la restitution des œuvres africaines à l'Afrique. Printemps 2019, parvint du Cameroun une nouvelle demande, en même temps qu'une relance comminatoire. Si l'Union européenne ne voulait pas se voir dépouillée des premières traces de son histoire, du cœur encore brûlant, vivace de son identité, il fallait évidemment qu'en plus de cette gratuité pour les expositions, on envisage de prêter les enfants de ces arts premiers, qu'ils puissent également être visibles sur le continent, sans que les Africains aient à se geler les arpions en Europe. Si l'origine du geste menant à la Joconde ou au David était à trouver dans l'art africain, l'Afrique était donc en droit de réclamer une sorte de propriété morale sur ces œuvres-là et d'obtenir un droit de visite ou une garde alternée. Ingres et courbés découvriraient le continent noir, les chefs demandaient à pouvoir exposer dans leur musée, temporairement bien sûr, des Bellini, des Titien, des Jackson Pollock ou des Bram Van Velde. Bonjour à vous, Félouine Sarr. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone ainsi que Bénédicte Savoie. Bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. C'est vous qui m'avez fait connaître ce texte signé par Arnaud Bertina, « Des lions comme des danseuses », un texte paru à la Contre-Allée il y a maintenant 3 ans de cela, je crois c'était en 2015, et qui imagine une sorte de fable que les Bamilékés du Cameroun et le roi des Bamilékés du Cameroun demandent aux musées européens la gratuité pour pouvoir entrer dans les musées, puisque ces musées sont pleins de ces œuvres-là. Vous connaissez ce texte, Félouine Sarr? Non, je ne le connaissais pas. Et donc ce texte raconte donc comme une sorte de fable, une nouvelle un peu ironique puisque c'est un texte très court, raconte cette querelle, pourrait-on dire, entre des chefs africains des Bamilékés du Cameroun et les conservateurs de musées français qui évidemment ont beaucoup de mal à imaginer de renverser la perspective. Et c'est ce que fait dans cette fable, pourrait-on dire, donc Arnaud Bertina, quand il imagine qu'on puisse faire voyager les œuvres européennes en Afrique comme on fait voyager très librement les œuvres de nos anciennes colonies en Europe. C'était vous êtes arrivé comment à cette question-là vous-même, Felwine Sarr, puisque vous êtes le co-auteur du rapport qui sera remis vendredi au président de la République Emmanuel Macron en France. Comment êtes-vous arrivé à cette question-là? Est-ce que c'était une question qui vous intéressait et par quel biais cela vous intéressait-il? Je dois avouer que c'était une question lointaine. J'avais le sentiment qu'il y avait une sorte d'injustice, que les œuvres du patrimoine africain soient majoritairement présentes en Europe occidentale et qu'elles soient très peu vues dans nos espaces. Mais enfin, j'en avais pas fait une question centrale de ma réflexion. Et c'est avec le discours de Ouagadougou et le fait que la mission nous ait été confiée, et surtout en discussion avec Bénédicte Savoie, que toutes les dimensions me sont apparues. Mais et c'est très intéressant de se rendre compte que une personne comme moi qui s'intéresse à l'histoire du continent, qui s'intéresse à ses dynamiques futures, n'avait pas profondément estimé que cette question était urgente, même si j'en saisissais certaines dimensions et même si je mesurais l'incongruité de la situation. Et pour vous, Bénédicte Savoie, c'est une question qui était très importante dans votre propre travail, puisque on peut dire que c'est même au cœur de votre travail d'historienne de l'art, de professeur au Collège de France depuis, que d'avoir travaillé pour votre thèse sur la question des ce que vous appelez les translocations patrimoniales, c'est-à-dire ce qu'on a appelé dans le temps les trophées, les pillages, les achats plus ou moins forcés d'œuvres d'art qui ont nourri les musées européens, Bénédicte Savoie. Oui, pour moi, c'est un sujet qui m'occupe depuis longtemps, mais je peux, à vrai dire, en fait, reprendre ce que vient de dire Felwine, c'est-à-dire que même si ce sujet m'occupait depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années, je ne m'étais jamais bien rendu compte de son importance pour le continent africain. C'est-à-dire que, de mon côté aussi, c'est en contact avec Felwine Sarr, en dialoguant avec lui, en voyageant avec lui, et en rencontrant des interlocuteurs différents sur le continent africain avec Felwine, que j'ai compris combien ce sujet qui m'avait occupé pendant si longtemps, pour ce qui concerne des pays principalement européens ou au maximum l'Égypte, avait une urgence, une relevance, comme disent les Allemands, une importance actuelle pour le continent africain. Donc on peut dire que ce rapport, cette mission, nous a permis peut-être à l'un et à l'autre de trouver un terrain commun. Alors justement, Felwine Sarr, ce discours de Ouagadougou dont parlait tout à l'heure Bénédicte Savoie, c'est le discours du président de la République française lorsqu'il se rend donc au Burkina Faso. Que dit le président avant de vous confier collectivement à vous deux cette mission d'étude justement sur la restitution du patrimoine africain? Que dit-il dans ce discours qui justifie donc la création d'une mission comme celle-ci et qui, d'une certaine façon, met le branle à cette nouvelle donne, pourrait-on dire, en matière de restitution d'œuvres d'art? En fait, il dit en substance qu'il n'est pas normal que les œuvres du patrimoine africain ne soient pas vues à Dakar, à Ouaga, sur le continent, et qu'il travaillerait à ce que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives de ces œuvres-là. Et ensuite, lorsqu'il rentre de Ouaga, donc quelques mois plus tard, il nous confie à Bénédicte et à moi-même la mission de réfléchir un rapport qui formulerait des recommandations précises et opératoires pour que justement des restitutions puissent avoir lieu. Alors justement, Bénédicte Savoie, ce rapport et cette commande, vous qui êtes spécialiste de cette question des restitutions et qui enseignez au Collège de France autour de cette question du patrimoine spolié, du patrimoine volé, du patrimoine à rendre ou déjà rendu d'une certaine façon, est-ce que cette demande et cette proposition de la France vous a surprise? C'est déjà le discours de Ouagadougou que vous évoquiez à l'instant qui nous a surpris. Je crois qu'il a été un électrochoc pour les spécialistes de la question, donc non seulement pour les non-spécialistes, par exemple pour les 800 étudiants et étudiantes qui étaient dans cet amphi à Ouagadougou cet après-midi-là en décembre 2017. Les réactions étaient très vives, des applaudissements, des sifflets, mais y compris pour les personnes qui s'occupent comme moi, les historiens, les experts, les gens de musée, qui s'occupent comme moi de ces questions depuis très longtemps, cette annonce a été une très grande surprise. Et j'utilisais le terme d'électrochoc choc parce que c'était cette annonce une rupture avec le discours français depuis plusieurs décennies, même plusieurs siècles, sur le patrimoine. Et pour ce qui me concerne, vivant en Allemagne depuis 25 ans maintenant, j'avais toujours pensé que la France serait probablement le dernier pays à poser ces questions parmi les pays européens. Le discours est différemment avancé en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne et en France, ça paraissait très enlisé. Et l'annonce d'Emmanuel Macron, puis la mission qu'il nous a confiée, marque le début d'une nouvelle période que certains appellent, parmi nos interlocuteurs africains, la post-Ouagadougou période, enfin l'époque post-après Ouagadougou. Oui, il faut préciser que la France a une vision très particulière, en particulier qui concerne ce qu'on appelle le caractère inaliénable des œuvres d'art, en l'occurrence, qui sont entrées dans les musées. Et donc, c'est à ce titre-là, par exemple, Bénédicte Savoie, qu'on a eu beaucoup de mal, qu'un président français a eu beaucoup de mal à rendre des manuscrits qui avaient été pillés au 19e siècle à la Corée et qui ont été rendus après maintes discussions il y a quelques années, c'était je crois Nicolas Sarkozy. Ce caractère inaliénable des œuvres d'art entrées dans les musées est une sorte de frein à la possibilité des restitutions, Bénédicte Savoie. Ça pose un carcan juridique et l'une des tâches que nous avons, à laquelle nous nous sommes attelés, c'est Louis Nsart et moi, avec l'appui très engagé de plusieurs juristes, notamment Vincent Négri et Isabelle Maréchal. Nous avons tenté pendant les 8 mois de travail que nous venons de mener de voir comment ce carcan juridique pouvait être changé ou comment on pouvait l'assouplir, puisque vous vous souvenez que l'année dernière encore, enfin oui, il y a 2 ans maintenant, la France avait refusé à la République du Bénin la restitution d'œuvres de son patrimoine en reconnaissant que le patrimoine était très important pour les pays, pour les peuples et pour leur histoire, mais que la loi française empêchait la restitution. Et donc il y avait une sorte de double discours. Oui, on reconnaît que c'est important pour vous, et d'ailleurs pour nous aussi, le patrimoine est important, mais non, on ne peut pas penser à des restitutions parce que la loi l'interdit. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé aussi beaucoup avec Felwine, donc un travail entre juristes. Oui, Felwine Sarr, cette question de la restitution, on sait qu'elle avait été présente, par exemple, lors de la construction du musée de Bamako, nouveau musée de Bamako, je crois que c'était dans les années 90 ou 2000, qu'on avait demandé à Jacques Chirac, à l'époque, de rendre une œuvre qui, je crois, a été rendue, d'ailleurs, au Mali à ce moment-là. Cette question, vous l'entendiez chez vos collègues universitaires, dans les débats que vous pouviez avoir au Sénégal ou dans d'autres parties de l'Ouest africain, comme étant un sujet de débat? En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que la question, elle est ancienne et que dès les indépendances, un certain nombre d'États africains avaient demandé la restitution de leurs œuvres présentes dans les musées en France. Et que ces États se voyaient donc opposer une fin de non recevoir sur la base des arguments que vous venez d'évoquer. En 78, Amadou Makhtar Mbow, qui était directeur général de l'UNESCO, avait lancé un appel pour la restitution des biens du patrimoine et qui était resté sans réponse. Et a même eu une mission, la mission de Pierre Cognam, qui avait tenté ou bien qui avait fait un rapport en vue de cette restitution. Et puis enfin, en 2016, donc il y a cet épisode de l'État du Bénin qui demande la restitution et le ministère des Affaires étrangères française lui répond en arguant voilà, du fait que ces biens étaient rentrés dans les collections nationales. Donc je pense que c'est une question qui était diffuse et qui était plus ou moins importante selon les contextes. Les pays où la spoliation a eu lieu par fait de guerre, dans une violence, les épisodes sont restés très marqués, sont restés très, très présents dans la conscience collective, exemple au Bénin. Les pays où la translocation s'est faite sans bruit ni fureur à travers des missions ethnographiques sur la longue durée, ben, il y a eu une sorte d'amnésie qui s'est mise en place. Mmh. À cela, lorsqu'on rajoute le fait que la France a de manière réitérée refusé de rendre les objets, certains ont considéré que c'était un peu peine perdue et sont passés, je dirais, à autre chose en attendant des jours meilleurs. Donc il y a une sorte d'hétérogénéité d'intérêt et d'acuité qui dépend du lieu, du contexte, de la nature de la translocation et surtout, je dirais, de la nature de la réponse réitérée qui était de dire non. Et là, je rebondis sur le discours de Ouaga. Comment il a été reçu, je pense, sur le continent? Il y avait déjà la grande surprise, on était tous surpris, qui est cette grande avancée, mais aussi une surprise doublée d'un certain scepticisme. Vont-ils aller jusqu'au bout? Oui. Et vont-ils réellement mettre en œuvre cette restitution-là? Oui, Bénédicte Savoie, il faut dire que tout le monde n'avance pas, comme le dit à l'instant même Felwyn Sarr, au même rythme, y compris dans les pays européens. On a eu l'exemple de l'Italie qui a eu à un moment l'idée de rendre des biens qui avaient été saisis lors de la colonisation italienne de l'Éthiopie, par exemple, comme l'obélisque d'Axum. C'était il y a quelques années. Et le président du Conseil italien à l'époque, qui était Monsieur Berlusconi, n'avait pas hésité à dire que c'était un geste qu'il fallait voir suivi d'autres gestes de ses collègues européens, au prétexte que, puisque l'Italie avait été beaucoup pillée, eux, ils avaient rendu les œuvres d'art qu'ils avaient pillées lors de la colonisation de l'Éthiopie et qu'on pourrait aussi leur rendre à eux, les Italiens, les œuvres que les Européens, tous les Européens, avaient dans leur propre musée, qui avaient été le fruit de pillages patrimoniaux, Bénédicte Savoie. On a pris soin, dans le cadre du travail qu'on a mené avec Felwyn Sarr, de ne pas tout mélanger, de ne pas mélanger le cas de pays européens comme l'Italie ou d'autres, dont le patrimoine est extrêmement riche, qui, en effet, par différents biais de l'histoire, par le marché de l'art, par des conquêtes napoléoniennes et autres, s'est retrouvé aujourd'hui dans une grande... Yves Bonnefoy, le poète, utilise le terme de diaspora, donc la présence de l'art italien dans le monde est avérée. Mais la grande différence entre, par exemple, le cas italien et le cas africain, c'est que l'Italie n'est pas dépourvue totalement de son patrimoine. C'est-à-dire que si vous êtes une jeune fille, un jeune garçon italien, vous aurez, dès votre enfance, contact avec la créativité des générations qui vous ont précédé. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. On entend souvent répéter le chiffre de 90 ou 95% du patrimoine historique de l'Afrique qui serait hors d'Afrique. C'est un chiffre difficile à vérifier, mais on peut employer d'autres chiffres pour dire la même chose. Par exemple, le fait qu'au seul musée du Quai Branly, Jacques Chirac, à Paris, sont présents 70 000 pièces venues de l'Afrique au sud du Sahara depuis le milieu des années, le milieu du 19e siècle. Voilà, donc 70 000 pièces au seul musée du Quai Branly. Il faut imaginer des chiffres semblables à Paris, à Bruxelles, à Berlin, à Stuttgart, etc. Et dans les plus grandes collections des États africains actuels, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique francophone, on trouve dans les réserves de 3 000 à 5 000 objets selon les spécialistes. Donc vous voyez, vous avez 5 000 objets dans une capitale d'un grand pays africain, et puis 70 000 simplement à Paris, et 70 000 à Londres, et encore plus, voilà. Et c'est ce déséquilibre-là qui a mené, en Belgique, qui a mené notre démarche. Il ne s'agissait pas de procéder à quelque chose que certains appellent une renationalisation des œuvres d'art. Pas du tout. C'est pas du tout l'objet de rendre à l'Italie tout son patrimoine. Et voilà. Il s'agissait de procéder à un rééquilibrage, à un réajustement au sens aussi de justice par rapport aux jeunesses, ou aux populations de ces pays africains qui sont dépourvues d'accès à leur patrimoine. Felwyn Sarr. Oui, en fait, Bénédicte a raison de préciser la spécificité du cas africain. En Afrique au sud du Sahara, c'est le cas d'école pour lequel il y a la plus grande expatriation du patrimoine. Et ce cas mérite une attention spécifique. Et aussi, je pense qu'il faut soulever qu'au-delà des aspects techniques et juridiques de la question, il y a d'abord un aspect éthique et moral et qu'il faut mettre en lumière. Il n'est pas juste que l'essentiel du patrimoine de communauté entière ne soient pas là, qu'ils ne puissent pas reconstruire leur histoire, leur mémoire, qu'ils ne puissent pas reconnecter leur jeunesse avec cette histoire-là, qu'ils ne puissent pas faire œuvre de resocialisation de leurs objets. Et ça me semble aussi des arguments importants à mettre en balance avec un certain type d'arguments de type juridique ou de tout autre type. Et le cas de l'Afrique de l'Afrique subsaharienne est absolument emblématique de cette question-là. Et donc, du coup, on s'est concentré sur le but périmètre qui était le nôtre, en relevant la spécificité, et justement quoi, les chiffres que Bénédicte avance indiquent clairement l'absolu déséquilibre, et même dans le terme rééquilibrage, il faut entendre aussi souci de justice, souci d'équité et un souci éthique, et cette question-là aussi me semble absolument fondamentale. occidentale. Alors, cette année est sorti un film important qu'on a appelé Afrofuturiste. On en parlait d'ailleurs vendredi dans notre émission sur les super-héros qui s'intitule Black Panther de Ryan Coogler. Et il s'ouvre sur une scène qui se passe dans un musée londonien où l'anti-héros, pourrait-on dire, de ce film, celui qui va défier T'Challa, celui qui est le héros de ce film, le super-héros de ce film, qui s'appelle donc Eric Killmonger dans cette scène, eh bien l'anti-héros va entrer dans un musée londonien et demander quelles sont les œuvres africaines qui sont possédées par ce musée londonien avant d'en enlever une d'entre elles qui lui donnerait un pouvoir ou une sorte de super-pouvoir. On écoute cette scène en anglais et on y revient avec vous deux tout à l'heure. Good morning. How can I help you? I'm just checking out these artifacts. They tell me you're the expert. You could say that. They're beautiful. Where is this one from? The Bobo Ashanti tribe, present-day Ghana, 19th century. For real? And what about this one? That one's from the Edo people of Benin, 16th century. Now, tell me about this one. Also from Benin, 7th century, Fula tribe, I believe. Nah. I beg your pardon. It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda, and it's made out of vibranium. Don't trip. I'm gonna take it off your hands for you. These items aren't for sale. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it like they took everything else? Sir, I'm going to have to ask you to leave. Voilà donc la conservatrice qui s'aperçoit que la personne qui est en face d'elle, eh bien, a des prétentions à vouloir récupérer certaines de ses œuvres et elle les récupérera. Donc cette personne par la violence dans ce musée londonien et donc elle fait le compte de ses œuvres qui sont nombreuses, qui viennent du Bénin ou du Ghana. Et c'est ce que raconte justement cet homme qui est en face d'elle. Eh bien, il lui dit ces œuvres, vous les avez volées au peuple africain, Felwinsa. C'est important qu'un film très grand public, un blockbuster, comme on dit généralement, ait mis cette question-là au cœur de son propos, puisque c'est un film afro-futuriste, en l'occurrence, Felwinsa. Oui, c'est absolument important, parce que ça veut dire que cette question sort du cercle des initiés, des historiens de l'art, des conservateurs de musées, des directeurs du patrimoine, et entre dans la culture populaire comme une préoccupation. Et je pense qu'il y a d'autres films, Bénédicte Savoir reviendra là-dessus, un film de Jackie Chan qui a une scène similaire. Et depuis quelques années, on voit que la question, justement, quoi, elle infuse la culture populaire. Donc ça veut dire que ça devient une préoccupation sociétale. Et il me semble que les jeunesses du continent africain et de l'Europe sont dans un rapport absolument lumineux différent avec cette réalité-là et souhaitent, justement, quoi, que les objets puissent être présents dans leur lieu de production et leur lieu d'origine. Et ce que je trouve intéressant dans la scène rapidement, c'est que non seulement il lui demande de l'origine, mais il conteste le discours officiel de la conservatrice en lui disant ces objets ont été pris par des soldats anglais, mais ils ne viennent pas du lieu que vous précisez. Et ça veut dire aussi qu'il y a un travail sur historiographique à faire, à reprendre sur un certain type d'objets et les discours qui leur sont accolés, les régimes de savoir qui leur sont accolés sont dans certains cas à réinterroger, et la restitution permet une mobilité donc sémantique et sémologique. Elle le permet aussi donc d'enrichir les régimes de savoir que l'on applique à ces objets-là, justement en incluant ceux des communautés qui les ont produites. Oui, ça me semble important dans ce qu'il dit. Bien sûr, et c'est très important effectivement, Bénédicte Savoie, puisque effectivement, il a longtemps été entendu que les musées et les conservateurs européens étaient ceux qui savaient le mieux faire, pourrait-on dire, pour savoir l'origine des œuvres, d'où elles venaient, comment elles étaient entrées dans les collections des musées. Une chose que vous avez très régulièrement, en tant que spécialiste vous-même, contestée, puisque vous vous êtes aperçu que dans beaucoup de ces musées, eh bien, les attributions étaient sinon farfelues, en tout cas un peu floues. Et c'est le cas, par exemple, au Humboldt Forum, ce grand musée d'ethnologie, d'anthropologie, qui devrait ouvrir bientôt l'année prochaine à Berlin. Et dans le conseil scientifique duquel vous vous étiez trouvé et d'où vous avez démissionné, en l'occurrence, l'année dernière, vous êtes enseignante à Berlin en même temps qu'au Collège de France. en disant qu'effectivement, ces questions d'attribution n'étaient pas très claires. Oui, c'était moins les questions d'attribution. Je pense que les conservateurs français et les conservatrices qui, depuis plus de 150 ans, s'occupent de ces objets, ont fait les choses très bien selon les catégories européennes. Ce qui m'a beaucoup gênée au Humboldt Forum, c'est-à-dire au futur musée ethnologique au centre de Berlin, donc il va déménager dans le centre de Berlin l'année prochaine. Ce qui me gênait, c'était moins les attributions que l'absence totale d'explication sur la... qu'on appelle la provenance, c'est-à-dire sur les conditions dans lesquelles les pièces sont venues à Berlin. Mmh. On avait le sentiment d'un musée qui était en train de se construire sur des bases complètement non historiques, comme si un hélicoptère un jour était venu apporter des œuvres africaines, asiatiques et autres américaines d'Amérique du Sud à Berlin. Et j'avais beaucoup insisté sur la nécessité qui me... paraissait brûlante d'expliquer comment ces œuvres étaient arrivées. Nécessité qui me paraissait brûlante parce que quand on enseigne ici et en général, et je pense que Felwyn fait la même expérience avec ses étudiants, on voit bien que la génération qui est face à nous, les jeunes de 20 ans aujourd'hui, donc en Europe, en Afrique, veulent savoir d'où viennent les choses. Mmh. Ils veulent savoir d'où viennent les biens de consommation courants, leurs tables, leurs vêtements, leurs meubles, leurs steaks dans leur assiette. Ils veulent savoir aussi d'où viennent les biens de consommation culturels. Et c'est comme une langue maternelle pour eux de savoir ça. C'est ce qu'on appelle aussi la traçabilité. Et on sent ici, dans les jeunesses européennes, un besoin de plus en plus affirmé de savoir, d'avoir une certaine transparence sur ces questions-là. Et le Humboldt Forum à Berlin était vraiment très, très sourd à cette revendication-là. Et au point que, pour ma part, je n'ai plus l'énergie de vouloir apporter cette question. Et finalement le retrait de ce conseil scientifique qui a permis de la mettre à l'ordre du jour, puisque la question est maintenant fait partie des priorités du gouvernement de coalition de Angela Merkel avec le parti SPD. C'est marqué dans le contrat de gouvernement qu'il faut travailler sur ces questions et les rendre visibles pour le public. Oui, il y a des débats et des articles encore très récemment dans Spiegel sur cette question-là, avec le titre qui s'appelle « Avant l'onde de choc ». L'onde de choc, c'est peut-être votre rapport, donc vous allez remettre vendredi au président de la République française. Mais en tout cas, ce qui est fort intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a, et vous insistez tous les deux là-dessus, des générations différentes. Il y a ceux qui disent « si on confie ces œuvres à l'Afrique, on ne sait pas quelles seront les conditions de conservation de ces œuvres. Est-ce qu'elles seront aussi bien conservées qu'elles le sont dans les musées européens ?» Et de l'autre côté, ce sur quoi vous insistez aussi, Bénédicte Savoie, cette demande de traçabilité, cette idée aussi que les savoirs sont construits et que une jeunesse d'aujourd'hui, européenne ou d'ailleurs du monde entier, a envie de savoir comment ils se sont construits. Absolument, c'est moins une question nationale. On entend parfois dire donc que la question des restitutions, c'est un effort de renationalisation ou même populiste de faire rentrer dans les pays les objets qui auraient été créés dans ces pays. On peut le lire comme ça, mais évidemment la démarche qui est celle de Felwyn Sarr et la mienne n'est pas celle-là. Et on n'a pas senti parmi nos interlocuteurs un désir nationaliste ou des intentions nationalistes, c'est plutôt un effet de génération, donc par-delà les pays, par-delà les nations impliquées, on a plutôt eu l'impression qu'on avait affaire à un élan d'une jeunesse globalisée, globale, face à des habitudes de générations un peu plus âgées qui se sont construites, en effet, autour du secret de famille, de la manière dont sont faits les musées, autour de ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette présomption d'incapacité qui est souvent évoquée en Europe quand on évoque la question, voilà, cette réponse selon laquelle les pays africains ne seraient pas capables de conserver leur patrimoine, qui vraiment est pratiquement un gag, cette présomption d'incapacité, et d'autres arguments qui ont permis pendant longtemps, pendant plusieurs générations professionnelles en Europe, de ne pas ouvrir le débat. On a repéré quelques-unes de ces figures de style, cette présomption d'incapacité, l'histoire de la boîte de Pandore et d'autres, qui ont permis pendant 40 ans au moins de ne pas ouvrir le débat, et c'est pour ça qu'on a souhaité travailler contre ça avec Felwyn. Mais j'aime, Et Felwyn Sarr, justement, cette boîte de Pandore que craignent certains, effectivement, comment l'avez-vous abordée, puisque c'est une question très délicate, et vous vous êtes plongé pendant plusieurs mois dans ce rapport à écrire pour le président de la République française. Comment l'avez-vous abordée lorsque vous avez décidé, avec Bénédicte Savoie, d'aller rencontrer les autorités des pays en question, et en particulier les autorités muséales, mais pas simplement. Quel a été votre, pourrait-on faire le making-of de votre rapport qui sera remis vendredi à Emmanuel Macron? En fait, on a eu une démarche de chercheurs d'abord, d'universitaires, donc qui vont sur le terrain et qui essaient de se confronter aux données, quoi. Et une démarche d'historien que Bredix a bien conduite. On a été en Afrique, dans plusieurs pays. On a rencontré les acteurs locaux, les directeurs de musées. On a été voir des musées sur place. On a vu plusieurs types de configurations qui existaient dans l'ouest du Cameroun, du musée ultra-moderne à la case un peu patrimoniale à des formes hybrides. On s'est aussi enquéri de la signification du terme restitution. Que restituer voulait-il dire chez ces acteurs-là? Comment est-ce qu'ils l'entendaient? Donc, on a organisé un séminaire à Dakar avec une vingtaine de participants qui venaient de tout le continent africain et de l'Europe. En France, on a travaillé avec le musée du Quai Branly. En bonne intelligence, ils nous ont ouvert la base TMS, on a pu avoir accès à la base de données et construire des inventaires. Mais surtout, sur ces craintes ou ces fausses craintes qui relèvent souvent d'une forme de condescendance et de paternalisme, le continent africain au sud du Sahara a plus de 500 musées. Il y a des pays qui ont une cinquantaine de musées et il y a une grande hétérogénéité, il y a de réceptifs de qualité. Et pour les institutions que nous recommandons à court terme, les dispositifs d'accueil existent, donc ça c'est un fait. Et on ne peut pas généraliser à quelques cas qui ne fonctionneraient pas, on ne peut pas le généraliser sur tout le continent africain. Et ça, on s'est rendu compte sur place que ce n'était pas exact et que ça relevait de vieux fantasmes. Mmh. Et ça relevait aussi d'un impensé dans la relation où toujours l'autre est vu sous le prisme du handicap, du déficit, du manque, et ça devient naturel. On n'interroge pas ce genre de propositions-là, elles sont tenues pour acquises. Je tiens à signaler qu'il y a des objets qui disparaissent dans les musées occidentaux régulièrement et il ne viendra à l'esprit de plus personne de remettre en cause leur capacité à les garder. Au-delà de ça, je pense qu'il y a une idée épistémologique profonde. Lorsqu'on nous enjoint, lorsqu'on dit oui, mais ils n'ont pas de musée, ils ne savent pas y faire, on considère que le musée est le seul lieu qui doit recevoir le patrimoine. On n'envisage pas que les sociétés aient des conceptions plurielles, qu'elles puissent avoir plusieurs dispositifs. Des dispositifs qui éclatent d'un point de vue spatial le patrimoine, qui peut avoir plusieurs fonctions, et que le musée est une occurrence occidentale du 19e siècle, et que oui, il faut des musées, mais il y a aussi d'autres lieux qui peuvent accueillir les objets et qui peuvent les signifier différemment. Mmh. Et donc ça aussi, c'est une manière de se projeter, de projeter son visage, et de ne pas envisager que ceux qui ont créé leur patrimoine, qui l'ont produit, ont une conception de leur patrimoine, peuvent réinventer la manière dont ils l'articulent. Et l'idée de la conservation à l'occidental, elle doit être démystifiée aussi, parce que les statues, elles meurent aussi, elles ont des cycles de vie, et dans beaucoup de communautés africaines, elles sont prises dans une économie régénérative, où les objets naissent, vivent, meurent, renaissent, revivent, remeurent, sont chargés d'énergie et d'influx. Il y a une conception extrêmement riche que nous avons découvert ou redécouvert sur le continent en voyageant et puis en rencontrant les gens. Et donc, du coup, ces arguments nous sont apparus comme totalement désuets, liés et absolument déconnectés de la réalité vivante dont nous avons fait l'expérience sur le terrain et que nous avons découvert de mieux en mieux tous les jours. Mmh. Nous y revenons avec vous dans un instant, Bénédicte Savoie. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Lawanaye, la mère des masques par Sori Bamba, un chanteur malien originaire de Mopti, donc de la capitale des Dogons, un extrait d'un disque sorti en 2010, Dogon Blues, et nous sommes donc dans la Fabrique de l'Histoire en ouverture d'une série d'émissions, mais également d'une journée spéciale de France Culture vendredi, donc sur la question des restitutions des œuvres d'art des musées occidentaux et français en particulier aux pays africains en compagnie des deux personnes qui sont en train de réaliser. Elles ont rendu leur rapport, elles vont le rendre vendredi. Donc Bénédicte Savoie et Félouine Sarr. Et d'ailleurs ce rapport sera publié la semaine prochaine chez Philippe Ray et aux éditions du Seuil sous le titre Restituer le patrimoine africain. Bénédicte Savoie, vous vouliez réagir à ce que disait juste avant ce titre de Sori Bamba, ce que disait votre collègue Félouine Sarr. Je voulais absolument réagir à deux choses. D'abord à ce qu'il a dit sur la bonne intelligence ou le bon travail, le travail main dans la main que nous avons pu mener avec les équipes du musée du Quai Branly autour de Stéphane Martin. Et ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les générations de personnes qui travaillent à ces questions. Nous avons donc fait un important travail d'inventaire ou près des inventaires. Le musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui est probablement l'un des musées en Europe qui a les meilleurs inventaires, les inventaires les plus précis, qui sont aussi en ligne et qui nous ont permis de faire un travail très précis sur l'origine des objets. Et ce travail, nous n'aurions pas pu le faire sans l'aide, par exemple, de Sarah Friou-Salgas, qui, aux archives du musée du Quai Branly, nous a ouvert les portes, de Victor Classe, qui a travaillé là-dessus, donc de Stéphane Martin, d'Hélène Joubert, de Gaël Beaujean, qui tous, donc des personnes qui travaillent au musée, qui tous ont senti qu'on ne pouvait pas se dérober dans ce silence. Se dérober, et même on a senti une envie de leur part de travailler à ces questions, et c'était extrêmement important, surtout quand on évoquait tout à l'heure Black Panther, le film, et vous disiez voilà, tout ça finit dans la violence, le jeune anti-héros va voler finalement la pièce qui contient du vibranium et va l'emporter, et puis la conservatrice du musée va mourir hein, puisque dans la scène on l'entend un petit peu tousser puisque son café est empoisonné. Voilà, il y a deux manières d'obtenir des restitutions dans l'histoire depuis l'Antiquité, soit la violence, la guerre, les reprises d'un côté, donc les films qu'on voit, les films d'action que vous évoquiez, les films de Nollywood, ce Black Panther, le Jackie Chan qu'évoquait Felwyn, ce sont des films d'action et de violence. Et puis l'autre moyen d'opérer des restitutions, c'est de le faire dans la paix, dans la bonne entente, main dans la main, dans une forme d'amitié et de regard vers l'avenir. C'est ce que Felwyn Sarr appelle une nouvelle éthique relationnelle. Et c'est ça qu'on a tenté de faire, et on a l'impression qu'on espère beaucoup que le travail qu'on a mené ces 8 derniers mois sera le début d'une nouvelle parole, d'un nouveau discours sur les départs et les retours éventuels d'œuvres d'art. Ça, c'est vraiment important. C'est une question de cœur. C'est pas une question d'armes. Félouine Sarr, qu'est-ce qui vous a surpris lorsque vous avez rencontré d'autres universitaires, des conservateurs de musées, qu'ils soient d'ailleurs européens ou qu'ils soient d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou du reste de l'Afrique, dans les demandes, est-ce qu'il y a des demandes qui vous ont surpris ou d'autres qui, au contraire, vous ont conforté dans l'idée que c'était quelque chose de facile, de simple à mettre en œuvre, à condition qu'on veuille bien politiquement suivre les préconisations que vous avez dans votre rapport, que vous ne voulez pas révéler dans cette émission, ce qu'on comprend bien, puisqu'il y aura la primeur de la révélation de ce rapport, donc au président de la République soi-même, qui l'a commandé, Félouine Sarr. En fait, ce qui m'a surpris, c'est lorsqu'on a été sur le continent africain, de me rendre compte que les conservateurs de musées étaient dans une relation de réinvention de la relation. En fait, ils n'étaient pas revanchards. Il y avait certains objets. Lorsqu'on a rencontré le directeur du musée du Mali, Salia Malé, il nous a dit tel le numéro d'inventaire, nous en avons 3 exemplaires, nous ne le voulons pas, nous allons le laisser là-bas. A contrario, tel objet, c'est important pour nous, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue culturel. On aimerait bien le récupérer, on aimerait bien qu'il nous soit restitué, et qu'il y ait lui-même dans nos débats une réflexion sur comment combler le vide, laisserait certains objets ici, par des processus techniques de recharge thoracique. Donc il y avait un souci du fait que les objets sont devenus des diasporas, que désormais ils incorporent une histoire africaine et une histoire européenne, et que les objets sont devenus des éléments relationnels, des médiateurs de la relation. Avec aussi l'idée qu'ils pouvaient prêter, eux, des objets, donc du continent africain, une fois restitués, ils pouvaient les reprêter à des musées européens, et que le sens de la circulation puisse être un réel, un sens une réelle circulation dans les deux sens. Donc, il ne s'agit pas de dire on va substituer un enfermement à un autre, on va reprendre ce qui nous est dû et puis l'histoire s'arrête là. Il s'agissait de mettre en œuvre une nouvelle économie de l'échange fondée sur le respect, sur la mutualité. Et c'est ce que Bénédicte disait. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on doit faire le point sur l'histoire de manière exigeante, véridique et précise. Mais une fois qu'on a fait le point sur cette histoire, ce qui nous intéresse, c'est quelle histoire on construit au présent et celle qu'on invente sur quelle modalité relationnelle. Et les objets sont les parfaits ambassadeurs d'une éthique relationnelle réinventée, à condition que chacun accepte de faire face à son histoire de manière juste, honnête, simple, et qu'à partir de là, on ouvre un nouveau chapitre. Et c'est ça qui est absolument fondamental pour nous, c'est que tout ce processus nous a amené à comprendre qu'en fait, le destin de cette restitution, c'était de réinventer les modalités relationnelles, et que les modalités relationnelles, elles pouvaient être beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus fécondes, mais à condition que des points historiques qui sont des contentieux soient vidés de manière équitable et juste. Mmh. Et ça, c'était absolument important de le souligner. Oui, Bénédicte Savoie, vous avez été surprise par quoi, justement, dans les discussions, ce qui n'est pas des négociations d'ailleurs, mais les discussions, les débats avec vos collègues en Afrique en particulier ? Réponse sincère, j'ai été surprise par tout. J'ai été surprise par tout parce que cette expérience, ces voyages en Afrique, ces voyages de travail que nous avons menés en Afrique avec Felwine Sarr, c'est-à-dire 5 voyages en quelques mois, au Mali, au Cameroun, au Bénin et 2 fois au Sénégal, pour ma part, et c'est pas une réponse extrêmement scientifique, mais je peux dire que ça a changé ma vie, ça a changé en tout cas ma perception de nos musées. En Europe et pas seulement en France, en Allemagne aussi. Et ça, ce qui m'a surpris le plus, c'est d'avoir une telle méconnaissance, étant française, étant européenne, une telle méconnaissance du continent africain, alors que tous nos collègues, tous nos interlocuteurs et nos interlocutrices, eux, ont une connaissance extrêmement précise de ce qu'est l'Europe. Et cette asymétrie de connaissance m'a mise en colère. Bouleversée et puis mise en colère sur un peu sur moi-même ou sur le fait que dans un parcours universitaire comme le mien, il était possible d'arriver à l'âge de au milieu de sa vie sans avoir jamais sérieusement entendu parler de ce grand continent. Et voilà, ça m'a changé. Oui, et donc ça vous a changé personnellement et cela aussi, est-ce que c'est transmissible à vos collègues historiens, historiennes de l'art, conservateurs et conservatrices? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ce que vous avez vécu personnellement en allant discuter sur le continent africain de cette possibilité de restitution d'œuvres d'art, est accessible justement avec toutes ces barrières mentales dont on a parlé depuis le début de cette émission avec vous et Felwine Sarr qui se sont construites au bout des siècles et des années, donc qui empêche a priori justement la restitution de ces œuvres, Bénédicte Savoie. Je pense qu'on peut transmettre absolument on peut transmettre le fait qu'on en sait trop peu. Et le travail qu'on a fait sur les collections africaines ou d'Afrique au sud du Sahara dans le cadre de ce rapport permet d'ouvrir une petite porte de connaissance. Ce travail permettra, j'espère, aux visiteurs de musées d'aujourd'hui, de demain, des semaines qui viennent, de se poser la question de la provenance de ces objets, de se dire, tiens, oui, en effet, cette mer des masques qui est au musée du Quai Branly, disposée, par exemple, dans le sol, sous une plaque de plexiglas, comment est-elle arrivée là? Quand est-elle arrivée? Quel rôle avait-elle dans son contexte d'origine? Pourquoi est-elle ici? Est-ce qu'elle vit encore ici comme il faut? Enfin voilà, on espère que les questions historiques qu'on a soulevées vont permettre au public et au musée de mieux comprendre et de mieux raconter l'histoire de leur collection, qui est l'histoire de nos deux continents. Et ça, c'est vrai que Felwine Sarr, on a l'impression qu'il y a eu une sorte d'élan, pourrait-on dire, dans votre travail qui s'est régénéré au fil des mois quand on vous entend parler l'un et l'autre de ce travail en commun mené avec les conservateurs. Les historiens d'art de pièces africaines en particulier, eh bien, qu'il y a une sorte d'élan qui ne s'est pas interrompu jusqu'à ce jour, ce qui est assez rare effectivement. Vous avez cette impression, Felwine Sarr? Ah oui, on a été vraiment embarqué depuis le mois de mars dans une aventure qui nous a totalement requis, c'est-à-dire qu'on a mis entre deux parenthèses tous nos travaux universitaires et on s'est exclusivement consacré à la question. Et quand on était au cœur de la question, on avait le sentiment de toucher à quelque chose donc d'important et de fondamental. Et du coup, il y a une sorte de disparition du soi dans la problématique. Et je pense qu'on a été tous les deux mûs par tenter d'en restituer le plus justement possible tous les enjeux et essayer de n'en omettre aucun enjeu. Ils sont multiples, quoi. Ils sont historiques, ils sont symboliques, ils sont sociologiques, ils sont philosophiques, ils sont relationnels, ils sont juridiques, mais surtout ils disent la relation entre l'Afrique ou les pays africains, la France à travers les objets. Et je pense que aussi on a touché du doigt un impensé. On s'est rendu compte que la question des musées faisait partie des impensés de la relation décoloniale qui doit être la nôtre. Et que cette relation-là, pour qu'elle soit profondément décoloniale, elle doit être traitée. On doit prendre soin d'elle, on doit l'examiner, on doit en démêler les écheveaux. Et ce ne sont pas des slogans qui indiquent qu'il faut qu'on passe à autre chose, qui feront qu'on passera à autre chose. Mmh. On doit l'examiner de la meilleure des manières et en tirer les leçons qu'il faut. Et je pense qu'on est sorti aussi avec ce sentiment-là, qu'il y avait quelque chose là à faire. Et comme le disait Bénédicte de Savoie, c'est un chantier qu'on ouvre, en fait. Il y a énormément de travaux à faire d'un point de vue épistémologique et historiographique sur ces collections-là. Il y a tellement encore de choses à apprendre et à découvrir. Et on a juste touché le bout de l'iceberg en nous divergeant dans cette matière-là. Elles nous semblent absolument importantes. Oui, vous vous rendez bien compte aussi, Bénédicte Savoie, que un rapport comme celui-ci, avec tous les aspects qui viennent d'être présentés par Felwinsar, c'est un rapport qui engage à la fois la culture, la politique, la géopolitique, tout un tas de champs qui sont généralement séparés, et que ces objets d'art africain deviennent d'une certaine façon des objets totaux qui vont engager les politiques pour quelques années. Bénédicte Savoie, et ça c'est tout à fait important. C'est extrêmement important, c'est la politique, c'est le symbolique, c'est le juridique, etc. Mais derrière tout ça, au-delà de tout ça, et c'est pour ça qu'on est presque un peu troublé de vous parler, au-delà de tout ça, ça engage l'humanité, ça engage l'humain, ça engage la créativité de l'être humain dans ses différentes dispositions, dans ses différents temps, et ça nous engage, nous, comme représentants de cette humanité au XXIe siècle. Et quand Felwinsar disait tout à l'heure qu'on a mis entre parenthèses, que le soi était entre parenthèses, et que dans cette aventure de plusieurs mois, on a eu à des moments l'impression de nous dissoudre ou de ne plus être exactement nous en tant que personnes agissantes, c'est une belle image et c'est une vraie image, c'est-à-dire qu'on a touché quelque chose qui nous dépasse de beaucoup. Et l'œuvre d'art et les œuvres d'art sont précisément des choses qui dépassent l'humain au sens où elles sont aussi uniques que les êtres humains, chacune dans leur individualité, mais qu'elles ne vivent pas 70 ans, mais peut-être 700 ans ou 7000 ans. Et ce contact avec l'éternité et l'humanité, c'est quelque chose qui, je pense pouvoir parler pour Felwinsar aussi, qui nous a bouleversés. Tout en gardant notre sérieux d'universitaire, en étant précis, en travaillant de la manière la plus objective possible, en précisant nos sources, etc., on a été porté par quelque chose qui dépassait le simple travail, le simple artisanat universitaire. Tout en sachant tout de même qu'un rapport est un rapport et qu'un rapport peut être suivi des faits. On verra vos préconisations vendredi dans l'après-midi, puisque je crois que c'est à ce moment-là qu'il sera remis au président de la République. On sait très bien qu'il y a des dizaines et des dizaines de rapports qui, aussi généreux soient-ils, aussi joyeux, puisque vous aviez dit à un moment, Bénédicte Savoie, qu'il fallait aller dans la joie responsable, prudente et réfléchie, justement, pour donner une âme à ce grand projet du 21e siècle des restitutions, aussi joyeux soit-il, qui malheureusement ne trouve pas de traduction dans le réel, en l'occurrence. C'est une des craintes que vous avez, Felwinsar? En fait, je pense qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Mais ce qu'on peut dire, en toute honnêteté, c'est qu'on a senti une réelle volonté de restituer. Les équipes avec lesquelles on a travaillé, on a senti un réel engagement vers la restitution. Et moi, j'ai un pronostic qui est très positif et très favorable. On a été à l'Assemblée nationale, on a rencontré la commission du patrimoine, on a discuté avec eux, et là aussi, on a senti un réel souci et un réel désir d'aller dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que reste très optimiste et je suis convaincu que moi, individuellement, qu'il y aura des restitutions. Maintenant, le rythme, la manière, dans quelle moralité, ça ne nous appartient pas et nous ne sommes pas à la manette. Mais vu ce que je sais des équipes avec lesquelles on a travaillé, je suis absolument convaincu que ce rapport sera suivi des faits. Bénédicte Savoie, il sera peut-être suivi des faits dans d'autres pays. On parlait tout à l'heure de votre engagement et puis votre sortie du projet du Humboldt Forum à Berlin. Eh bien, on sait qu'en Allemagne, en tous les cas, ce rapport est suivi et qu'on attend ce que dira le président Macron sur ces questions des restitutions, aussi peut-être pour faire avancer ailleurs, dans d'autres pays européens, cette question des restitutions vis-à-vis des œuvres du patrimoine africain. C'est bien possible. Ce qui est très, très intéressant d'observer, c'est qu'en France, cette volonté politique est mise par Emmanuel Macron et ses équipes après Ouagadougou sont très fortes, alors que le débat public n'est pas extrêmement présent. Tandis que dans le cas allemand, par exemple, vous avez un débat public considérable. Tous les journaux, vous évoquiez le Spiegel à l'instant, mais tous les journaux, la presse, la radio, plusieurs fois par jour, depuis à peu près un an et demi, évoquent ces questions. En revanche, il n'y a pas un grand mouvement politique sur ces questions, sauf que depuis quelques jours, on voit des lenders différents, et celui de Bad Württemberg vient de se distinguer la semaine dernière en remettant lui aussi un rapport sur l'histoire de ses collections, très importante à Stuttgart, et en proposant deux restitutions symboliques très fortes à la Namibie, donc qui vont avoir lieu. Donc on voit bien que le mouvement initié par la France, par Emmanuel Macron et ses équipes, est en train de porter des fruits hors de France, et ce serait bien dommage si le destin faisait que la France, après avoir eu cette initiative très forte, n'arrive pas à la suivre. Mais comme fait Louis-Sar, j'ai eu le sentiment dans nos différentes réunions de travail que la volonté était véritablement présente de changer la donne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été dans des conditions difficiles pour vous et pour nous d'ailleurs aussi un peu au téléphone avec nous pour pouvoir évoquer ce rapport. Il était important pour la Fabrique de l'Histoire qui a suivi ces questions de près depuis un certain temps d'ouvrir avec vous cette semaine consacrée aux restitutions, tout en sachant que vendredi, tout France Culture va réfléchir à cette question de l'universel dans les musées en particulier, et que vous êtes l'auteur, l'un et l'autre, Félouine Sarr et Bénédicte Savoie, d'un rapport qui sera remis vendredi au président Emmanuel Macron et qui sera publié dès la semaine prochaine aux éditions Philippe Ray et aux éditions du Seuil sous le titre « Restituer le patrimoine africain ». Merci beaucoup en tous les cas. Voilà donc pour cette première émission. Demain, nous nous intéresserons à la Grèce et au conflit autour des œuvres du Parthénon conservées au British Museum. Mercredi, nous nous demanderons ce qu'il en est de la restitution des restes humains qui peuvent être conservés dans nos musées. Et jeudi, eh bien, nous parlerons des manuscrits islandais qui ont été rendus il y a quelques temps par le Danemark à l'Islande. Cette émission, comme toutes les autres, est préparée par Aurélie Marseille et Céline Leclerc. Alexandre Dang était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. À demain.